Mardi 18 mars, bienvenue à l'aérospatiale. Aujourd'hui, à l'émission, on discute des nouvelles expositions qui sont présentées au Musée des Beaux-Arts, National des Beaux-Arts du Québec. Lynn Ouellette, la directrice générale, viendra nous entretenir des expositions consacrées à Pellan, Riopelle, Lemieux et Leduc dans le pavillon Charles Baillarger. Lisanne Nadeau, directrice de la Galerie des Arts Visuels, viendra nous parler de l'œuvre d'art public qu'elle présente juste derrière le théâtre L'Abordé, donc avec vue sur la rue Saint-Jean, pas la rue Saint-Jean, pardon, avec une vue donc à partir du boulevard Charest, voilà, c'est pas facile. Donc une œuvre de Nadia Mir avec la collaboration de Karen Helen Spencer. Également, Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et le tout sera, comme à l'habitude, ponctué des sélections audio de Simon Roy. Bonsoir. Bonsoir. Simon, ce soir, on écoute Studio Noir. Oui, c'est le pseudonyme d'Eddie Palmer. Il est aussi dans le groupe de Fucked Up Beat. C'est un artiste qui nous vient de New York. C'est son album Sunset Boulevard. Donc, toutes les pièces sont intitulées à partir d'actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En gros, c'est des claviers puis de l'échantillonnage en boucle de musique des années 20. Donc, ça met une ambiance rétro assez spéciale. Ça peut être assez sombre par endroits, assez dansant par d'autres moments. Un album publié sous l'étiquette New Logic Net Label. En tout cas, je me suis vraiment fait du plaisir à écouter cet album-là. Je le recommande aux auditeurs. Ben Simon, merci beaucoup. On t'écoute dimanche soir à Web Musique dès 20h. C'est bien ça. Voilà, en attendant, on écoute un extrait de la pièce Florence Lawrence sur les ondes de CKRL. On est de retour à l'aérospatiale. J'ai oublié de me présenter en début d'émission au cas où vous l'aviez oublié ou ne le saviez pas. Mon nom est Julie Gagné, donc ça me fait plaisir d'être avec vous jusqu'à 18h30. Et j'accueille à l'instar Raymond Poirier pour sa revue de presse. Bonsoir Raymond. Bonsoir Julie. Alors, que se passe-t-il? Mais notamment, L'œil de poisson a remis son prix Tombé dans l'œil 2014. Ça a été remis donc à une étudiante au deuxième cycle à l'École des arts visuels de l'Université Laval, puisque c'est un prix maîtrise. Donc c'est Marion Gauthier qui a obtenu ce prix. On dit que dans son travail, elle traite de son quotidien et des instants anodins. Elle se place simultanément devant et derrière la caméra, se met en scène dans divers lieux familiers, donne encore à ses expériences subjectives. Elle explore les différents niveaux de réel et d'imaginaire qui l'habitent. Alors, elle a été récompensée de ce prix qui l'amènera notamment à bénéficier d'un mois de production dans les ateliers de L'œil de poisson et également donc d'une exposition de ses travaux universitaires du 13 au 29 juin dans un des espaces d'exposition de l'œil. Félicitations. Sinon, nouvelle de la manif d'art. Donc, on connaissait le nom de la commissaire Vicky Chenet-Gagnon. Maintenant, la manif d'art se greffe également d'un porte-parole. C'est la première fois, je pense d'ailleurs, que l'organisme décide d'aller avec cette approche. Alors, ils ont demandé à l'animateur et chroniqueur Mathieu Dugal de les représenter auprès du public et des médias. Donc, il va animer, entre autres, l'avant-première bénéfice du vendredi 2 mai, des reportages web également qui seront présentés en collaboration avec Radio-Canada. Et lui, évidemment, se réjouit de participer à ce festival-là. Il dit, et je cite, « La manif, ça participe à un tas de choses, ça fait circuler des idées, ça fait circuler de l'art, ça nivelle par le haut, ça parle à ton côté intelligent, c'est donc rare et précieux. » Alors, on verra quelle part il donnera, évidemment, à la manif. Est-ce qu'il ira chercher un public plus grand de par ses capacités de communicateur? Mais je pense bien, parce que Mathieu Dugal a quand même une bonne connaissance des arts, puis est capable à la fois de vulgariser et de garder un bon niveau. Donc, je vois ça avec enthousiasme. Sinon, autre chose à voir avec enthousiasme, Julie, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a publié ses statistiques et c'est quand même assez positif. On parle pour l'année 2012-2013 de plus d'un million, en fait 1 015 022 personnes qui ont participé à des visites de collections, d'expositions temporaires, des ateliers, des conférences, des concerts, etc., etc. Pour 2011-2012, c'était 767 000 visiteurs, donc quand même une augmentation de 36% par rapport à l'année précédente. Est-ce qu'on sait ce qui explique? On a l'impression que c'est peut-être dans le choix des expositions, notamment on cite Il était une fois l'impressionnisme, une exposition sur le Pérou, une exposition également sur Venise, donc des sujets qui ont réussi à capter l'imaginaire du public montréalais et du public touristique également. Sinon, deux petits articles un peu plus de fond, si on peut dire, sur lesquels je suis tombé, qui sont évidemment répertoriés sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Ils sont déjà en ligne, hein, si je me trompe pas, Raymond. Exactement. Et, en fait, un article du Courrier international qui pose la question de savoir est-ce que la manière de faire des galeries, des galéristes, en fait, donc le marché privé de l'art, est-ce qu'il est en perte de vitesse? Est-ce qu'il est même un modèle qui commence à être un peu plus, entre guillemets, passé date du côté européen versus les foires d'art contemporain qui sont légion, nous dit-on, et il compare un peu, en fait, ça à un marché, un cirque qui déplace son chapiteau de ville en ville et où on se retrouve dans une dichotomie particulière où les galeries sont de moins en moins fréquentés, mais où les gens se ruent au salon, au biennal, aux événements comme ça, donc pour aller observer le marché de l'art, pour acquérir des œuvres d'artistes contemporains. Comme si on avait besoin d'un caractère événementiel pour se dire « bon, mais ça y est, je me lance ». Exactement, et on est en train de se demander si ça risque pas de devenir le modèle prédominant, dans la mesure où de plus en plus des galéristes sont en train de se demander « ben, est-ce que je devrais continuer à avoir un espace physique dans une artère, dans une ville, ou est-ce que je devrais simplement avoir une galerie virtuelle et me déplacer, dans le fond, dans ces événements-là? Est-ce que ça vaut la peine, pour le coût financier de la chose, d'avoir une aire d'exposition, je peux me contenter d'un espace de stockage dans ce contexte-là. Donc, il se pose des questions. Évidemment, les collectionneurs, eux aussi, semblent embarquer dans ce mouvement-là. Par contre, ils disent parce que c'est pas tout le monde qui voit ça positivement, il y a certains collectionneurs qui trouvent qu'il y a plus ce lien justement d'acquisition dans un contexte avec un plus grand recueillement peut-être, avec une plus grande dynamique privée, donc où on n'est pas dans un marché, dans un lieu où il y a foule, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup d'éléments, donc c'est pas la même dynamique d'achat, mais pas la même dynamique de dialogue avec l'art ou même simplement d'observation de l'art. Est vraiment moins présente, mais moi je trouverais ça vraiment triste parce que les galeries privées offrent souvent de très bonnes expositions aussi. Alors, c'est à voir, c'est à suivre, en fait, mais ce qu'on dit, la conclusion un peu de l'article, c'est que présentement, en fait, on est à un moment charnière dans le marché des arts. Les modèles sont en train de changer, galeries, salons, musées, le rôle de l'artiste, même si on pousse un peu plus loin. Alors, certains disent, mais regardez, c'est peut-être le temps de prendre une pause, c'est peut-être le temps de regarder où on s'en va, de regarder comment ça se passe. En tout cas, c'est un dossier à suivre. Oh oui, c'est avec grand intérêt. Une réflexion intéressante, ça, c'est clair. Et sinon, autre réflexion intéressante, peut-être un peu plus souriante, celle-là, c'est du côté de Libération, où on revient sur un colloque scientifique qui a lieu à Florence tout récemment, où on a dressé un bilan des techniques de pointe dans l'étude de l'art, donc les manières d'utiliser la haute technologie pour analyser l'œuvre. Exemple, un technicien qui teste le nettoyage d'une peinture sur plâtre par laser. On parle de manière de calculer l'épaisseur de vernis sans à enlever sans toucher à la couche picturale par scanner. On parle d'une pléiade d'instruments comme ça là, qui viennent apporter leur apport à l'analyse des œuvres et à l'entretien également, à la conservation des œuvres. Alors ce qu'on dit, c'est que les nouvelles technologies vont très certainement donner un apport louable à la pérennisation de l'œuvre d'art et à son maintien dans le temps, évidemment, parce que il y a toute la dynamique de restauration qui est constante dans les musées. Ouais. Alors ça va donner un fier coup de pouce, comme on dit. Voilà, ben tant mieux. Voilà. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vendredi, La vie en BD à 17h30. Sans faute, regard sur la programmation du 27e Festival de la BD francophone de Québec. Voilà, donc l'invitation est lancée. On s'en va en pause audio. On écoute Clarine Seymour. Au retour, on discute avec Lisanne Nadeau. On vient d'entendre un extrait de l'artiste, je recommence, de l'album Sunset Boulevard de Studio Noir. C'est publié sur l'étiquette New Logic Net Label, une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement gratuit des pièces. Également, l'émission en balado-diffusion, les divers communiqués de presse relatifs au monde des arts visuels et la revue de presse, bien entendu, de Raymond Poirier, sur le site laérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. On donne des nouvelles assez régulièrement. Donc, si vous avez passé dernièrement sur le boulevard Charest, depuis quoi, une semaine ou deux environ, Vous avez peut-être vu cette grande fresque bleue avec une écriture à déchiffrer bleu et blanc. C'est un projet d'art public qui s'appelle Frozen Blue, donc de Nadia Mir, qui a été réalisé avec la collaboration de Karen Ellen Spencer. Et le tout est chapeauté par la Galerie des arts visuels. Pour en parler avec nous, Lisanne Nadeau, sa directrice. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Lisanne, un premier projet d'art public. Oui, on est très, très fiers. C'est un projet qu'on... L'accouchement est tout récent, mais disons le que... Le travail a été... En fait, c'est depuis presque un an maintenant, depuis l'été dernier, qu'on discute avec Jacques Leblanc de l'aborder, de la possibilité de collaborer de nouveau, parce que c'est pas la première fois qu'on collabore avec l'aborder. On a une très belle complicité avec les gens de l'aborder, Lynn Fafard, Jacques et Catherine et toute l'équipe magnifique. On avait déjà collaboré dans le contexte de projets étudiants, et là, j'avais dit à Jacques... Ouais, dans bande d'essai, oui, hein, exactement. Crois, il y avait une exposition. Puis souvent les finissants, il y a certains finissants qui exposent en fait en fin de saison. Puis on est voisins, on est collègues, on a envie vraiment de tisser des liens. Et puis j'avais dit, j'avais mentionné à Jacques que j'aimerais qu'on rêve un projet de plus grande envergure sur son magnifique mur qui m'interpellait depuis plusieurs années. Ben oui, parce que tu sais, il y a un stationnement devant. Exactement. Ça, c'est sur la rue Notre-Dame-des-Anges, donc si on passe sur Charest, là, on le voit. C'est un mur qui nous interpelle, c'est un mur, moi, qui m'appelait à y proposer quelque chose, et puis c'est notre paysage, c'est notre paysage urbain. Ben oui. On le voit même de l'intérieur de l'école, dans le quartier. Il y a un arrêt d'autobus aussi. Oui, là, dans le quartier, c'est très, très présent. Oui. Et Josiane Deloge, en fin de semaine, elle a écrit un papier dans Le Soleil, puis j'étais tellement contente parce qu'elle soulignait que, bon, en ce moment, c'est les élections, on est vraiment envahi par tout le protocole, bon, de l'affiche de propagande politique et tout. Avec des gens bien souriants, pleins de bonbons. Oui, alors j'étais contente parce qu'évidemment, le projet met en question l'affichage conventionné et tout. Et puis, on voulait, au contraire, amener une proposition complètement différente par un artiste. Donc, notamment Nadia Amir, avec qui on a déjà travaillé. Moi, j'aime bien, je suis assez fidèle, j'aime bien quand je travaille avec les artistes poursuivre dans d'autres voies, leur proposer d'autres projets. Donc, Nadia a exposé en novembre-décembre à la galerie. Ouais. Et on avait l'idée de lui proposer ce contexte-là, ce nouveau contexte-là d'intervention. Et Nadia Amir a travaillé avec Karen Ellen Spencer. Elles ont lu le texte de la pièce Frozen qui est présentée à la Bordée. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu es capable de nous en parler un peu? Effectivement. En fait, l'idée, lorsqu'on décidait ensemble, Jacques et moi, du calendrier, on a fixé le mois de mars et on essayait de voir si, bon, le travail de Nadia, la programmation de la Bordée, tout ça, bon, ça pouvait, il y avait des liens qui pouvaient se tisser. Et Nadia travaille vraiment, bon, comme on le sait, le domaine de l'intime. Et ça convenait tout à fait avec la pièce Frozen. L'exposition qu'elle avait présentée en novembre-décembre était sur la blessure, le Scar Project. Et Jacques a tout de suite été interpellé par le dossier. Il me dit, écoute, Lisanne, ça fonctionne tellement bien parce que, bon, comme on le sait, même ceux et celles qui n'ont pas vu la pièce, Frozen, c'est l'histoire de trois personnages autour d'un événement assez tragique qui est la disparition d'un enfant. Et on parle de la blessure, de la déchirure, de la catharsis, du pardon, etc. Et finalement, le texte n'est pas une représentation, l'œuvre n'est pas une représentation de la pièce, mais c'est fortement inspiré. D'ailleurs, Karen et Nadia ont lu le texte, ont été très touchés et Karen a conçu, je dirais, un fragment de textuel. Elle parle d'un poème. Effectivement, il y a un aspect très, très poétique. Et c'est un texte caché, c'est un texte camouflé presque dans le blanc, le bleu, qui réfère évidemment à notre fameux paysage hivernal dure, là. Hein? Ben moi, le bleu, en fait, je regardais puis je me disais, tu sais, l'image de l'eau froide, là. Exactement. Pour moi, le glacé, là. Elle est ce bleu-là. Oui, là. Oui. Et dans le texte, c'est une métaphore très, très, très, très importante, l'hiver, la glace, et ça fait partie de notre paysage. Donc, au-delà de tout ça, il y avait évidemment notre intérêt d'intervenir dans le paysage public avec une proposition très différente de notre programmation d'exposition en galerie, donc d'intervenir dans le paysage urbain avec un projet d'art public. Et moi, j'aimerais savoir si on revient un peu comme pas à la base, mais bon, c'est une bannière hein, qu'on voit. Là, c'est sur, une bannière. Oui. L'édifice, est-ce que ça, c'était quelque chose qui a été décidé d'avance ou vraiment la liberté d'accorder aux artistes? C'était dans la proposition. Alors, moi, j'ai vraiment approché Nadia en lui disant, écoute, j'ai l'idée folle de faire une bannière sur ce grand mur-là qui déjouerait les attentes, qui mettrait en question justement la bannière publique, tout ce langage textuel, visuel, bon, qui nous envahit et venir s'immiscer un peu dans ce type de langage-là. Donc, c'était dans la commande, entre guillemets. Dans le projet, je dirais dans la proposition, dans l'hypothèse. Dans l'hypothèse de travail. Et puis, ça a beaucoup plu à Nadia qui travaille déjà le langage. C'est quelque chose de très important en ce moment dans sa pratique. Donc, elle était très, très enthousiaste à collaborer avec nous. Et elle a travaillé justement avec Karen Ellen Spencer, où là, elles ont discuté ensemble, je crois, de la pièce. Karen, et c'est Karen qui a écrit... C'est Nadia qui a conçu le poème. Okay, ce qui était intéressant, pour Nadia, ce qui était intéressant dans le travail de Karen Spencer, elle avait vraiment envie de collaborer déjà avec elle. Karen a fait des interventions de type performance et tout, mais elle a aussi fait une production sur le langage, sur l'écriture, un travail de cryptage, si je pourrais m'exprimer comme ça, de lettres, de textes à l'encre, des très belles œuvres sur papier. Donc, ça a été cet aspect-là de transformer carrément la matière même du texte qui intéressait Nadia. Donc, ça a été vraiment une collaboration avec beaucoup, beaucoup de complicité entre les deux artistes. Et tu parlais tout à l'heure, Lisanne, de cette espèce d'environnement qu'on a, très textuel et tout ça. Moi, je regardais ça puis je me disais, ben c'est un peu comme une anti-publicité parce que normalement, exactement, la publicité, là, tu sais, c'est tout de suite, exactement, d'un coup, on a compris les caractères, ouais, tu sais, toute la mise en... Ouais. Le graphisme, ouais, est pensé vraiment pour qu'on comprenne, ouais, le message. Ouais. Et là, Frozen Blue, ouais, nous oblige à s'arrêter. Tout à fait. Puis donc, c'était, je suis contente que tu dises ça, Julie, c'était tout à fait ça, une anti-publicité. Je l'aurais peut-être pas exprimé comme ça, mais effectivement, c'est vrai. Je trouve que le terme est intéressant. Quand je dis mettre en question un peu nos habitudes. Puis pour revenir à l'art public, ben c'est un enjeu incontournable, c'est un enjeu extrêmement important dans l'art actuel. Nous, comme galerie universitaire, notre mandat, c'est de diffuser la recherche la plus actuelle. Et bon, c'est sûr que moi, dans mon parcours personnellement, l'art public m'a croisée de différentes façons. Ouais. J'ai beaucoup travaillé comme commissaire des événements, d'intervention urbaine, tout ça. La galerie des arts visuels, c'est aussi un lieu où on veut provoquer certaines choses et donner des contextes de création nouveaux à des artistes. Donc, Nadia trouvait aussi intéressant de la mettre un petit peu dans une situation en dehors de sa zone de confort, mm-hmm, dans cet immense espace. C'est quand même une immense bannière, bon, de 16 pieds par 16. Il faut quand même gérer ça aussi. Donc, il y avait toute cette dimension-là de notre intervention dans la communauté là qui est la nôtre. Et si je reviens, en fait, parce que ce que j'ai remarqué aussi sur cette immense bannière, justement, bon, on parle des lettres, on parle de la codification ou de, ouais, décryptage, tantôt tu disais, mais cette œuvre-là aussi, elle s'impose presque comme abstraite du premier, oui, coup d'œil. On elle a joue. L'impression de voir une œuvre abstraite, et là, oups, on a l'impression de voir des lettres. Exactement. Mais il faut vraiment, bon, d'une part, prendre le temps, mais d'autre part, on peut aussi regarder ces formes, ouais, géométriques, ouais, cette manière de cette composition-là aussi, ouais, là. Joue sur cette ambiguïté-là, mais en même temps, je pense que si on s'attarde un peu, on découvre assez facilement le mot glace, le, ouais, mot bon. Donc oui, il y a une ambiguïté, il y a comme quelque chose à découvrir, mais on a la satisfaction aussi de le découvrir. Bon, c'est quand même pas quelque chose d'obscur. Ou, Non, ouais, c'est accessible, ouais, là, ça c'est, ouais, certain. Tout à fait, mais t'as raison, l'aspect formel, Julie, est très, très, très, très important. Important, le côté presque géométrique des lettres et tout, ouais. Et là, Lisanne, tu dis, bon, on a comme mandat de présenter la recherche, on veut provoquer des choses, donc c'est une première initiative d'art public. Est-ce que, tu me regardes, tu me vois venir avec ma question, est-ce que vous travaillez sur autre chose? On est très enthousiastes et on ose espérer l'aborder et nous, qu'il y aura d'autres collaborations dans ce sens-là. Je tiens quand même à souligner, c'est très important, que le projet n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien de Louis Garneau, avec qui l'École des arts visuels entretient une belle complicité depuis déjà 20 ans, qu'il encourage nos finissants avec le prix Louis Garneau. Et puis là, c'est comme une phase 2 de notre collaboration, donc je le remercie énormément. C'est très important pour Louis de soutenir ce projet-là, qui est aussi un projet de démocratisation de l'art, ben aussi, ouais, d'aller dans la rue, d'aller là où les gens passent dans leur quotidien. Et faut vraiment souligner qu'il nous a fait confiance, il voulait que ça se passe, il voulait soutenir l'artiste, donc une belle collaboration. Et ça, c'est un incontournable. Il y a beaucoup d'éléments, on parle, bon, de la poésie et tout, mais dans des projets comme ça, il y a des incontournables au niveau carrément de la logistique. Ben ouais. Le permis, est-ce qu'on l'a? Est-ce que l'abordé dit oui? Est-ce qu'on a les sous pour faire ce type, ouais, de projet-là? Parce que c'est bien beau faire une œuvre, mais elle va pas se financer toute seule, elle non. va pas se placer toute seule. Il faut avoir des gens qui y croient, et puis on a rencontré quelqu'un qui y croyait et qui a vraiment voulu que ça se passe, donc faut le remercier très chaleureusement. Fait que donc, ce que je comprends, c'est qu'on surveille, on attend un peu, puis probablement qu'il y aura récidive, donc... Probablement. On dit probablement, on le dit donc pas avec certitude, mais on sait qu'ils en probablement. C'est notre espoir mutuel, Jacques Leblanc, toute l'équipe de l'Abordé et nous, et puis on va continuer à collaborer aussi à court terme, là, on a d'autres projets, donc c'est sûr qu'on continue de travailler ensemble pour que la culture ait une grande place dans le quartier Saint-Roch. Voilà. Ben, Lisanne Nadeau, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Donc, Frozen Blue, premier projet d'art public, est présenté donc sur la façade arrière du Théâtre de la Bordée jusqu'au 11 avril. Jusqu'au 11 avril. Et Lisanne, la semaine prochaine, peut-être en terminant, nouvelle exposition à la Galerie des arts visuels. Oui, on travaille fort. On a déjà une nouvelle exposition mardi, Jackie Summer, qui a travaillé pendant des années sur un projet complètement utopiste avec Herman Wallace, qui était un détenu dans la prison d'État de Louisiane, qui a vécu 40 ans dans une cellule d'isolement. Un projet d'art relationnel, un projet aussi qui montre la force de l'imaginaire dans un processus comme ça de catharsis et de survie, là. C'est un projet très, très touchant qui touche l'art, qui touche évidemment l'aspect sociopolitique. C'est une artiste américaine et activiste. Donc, elle participe au colloque aussi Nouveaux Médias de Avatar. Oui. C'est une collaboration entre Avatar et la Galerie des Arts Visuels. Et le vernissage est le 25. Donc, exceptionnellement, mardi prochain. J'allais dire c'est jeudi à 17h. Non, mardi prochain, on fait concorder ça aussi avec le colloque. Ben ouais. Et on invite vraiment tout le monde parce que c'est un projet très, très, très touchant. On est très emballés par ce projet-là. On a vraiment hâte de le partager avec vous. Voilà. Ben, Lisanne Nadeau, merci beaucoup. Merci. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Jean-Tiane Lafrance qui va nous parler de Judith Bellavance. 89.1 à Québec. Qui je suis. Le Radiothon de CKRL arrive à grands pas et cette grande fête radiophonique sera présentée par La Barberie. Je ne sais pas ce que je fais ici. La boîte à pain Café Napoli. Je ne sais ni d'où je viens ni où je vais. Le Bal du Lézard et l'Hôtel Château Laurier. Ne manquez pas cet événement unique les 4, 5 et 6 avril. Plus ça va, moins je comprends. Nombre de Québécois ont compris et ils vont agir. Vue parallèle, les journées de cinéma LGBT de Québec. Une programmation festive et variée proposant une quinzaine de longs métrages et documentaires en provenance de 4 continents, 2 conférences et des invités de marque. I never once believed that it was wrong to be gay, that homosexuality was evil. Vue parallèle, 3e édition, du 27 au 30 mars au Cinéma Quartier. Informations et réservations, vueparallèle.org. Dans le cadre de la campagne électorale, le Conseil de la culture vous invite à un débat entre candidates portant sur la culture mardi le 18 mars. Marie-Ève Duchesne de Québec solidaire, Agnès Maltais du Parti québécois et Christine Saint-Pierre du Parti libéral du Québec échangeront alors sur différents enjeux culturels. Dirigé par l'animatrice Françoise Guénette, ce débat organisé par le Conseil de la culture se déroulera devant public et vous êtes invités à y assister. Le débat portant sur la culture, le mardi 18 mars à 19h30 au Palais Montcalm. Répétez après moi le plus rapidement possible. Jésus soupe chez Zachée. Jésus soupe chez Zachée. Jésus soupe chez Zachée. Jésus soupe chez Zachée. 20 ans, 20 piastres. C'est plus facile. La campagne annuelle de financement de Premier Acte souligne 20 ans d'activité. Vous êtes invité à vous remémorer le passé et contribuer à son avenir une pièce par année. C'est pas cher pour que ça continue. Contribuez sur campagne20ans.com. 418-694-9656. Le 7 avril, c'est jour d'élection générale au Québec. Pour voter, vous devez être bien inscrit sur la liste électorale. Assurez-vous que votre nom apparaît sur l'avis que vous recevrez par la poste. S'il n'y est pas, vous devez vous présenter à votre bureau de révision entre le 17 et le 25 mars. Pour plus d'informations, consultez électionsquébec.qc.ca ou communiquez avec le directeur général des élections du Québec au 1-888-ÉLECTION. Votre vote, c'est un pouvoir. Le 7 avril, votez. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. presque 18h, on est de retour à l'aérospatiale. Je l'ai gagné toujours avec vous, accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde. Et je suis rejointe par Jean-Tiane Lafrance. Bonsoir Jean-Tiane. Bonsoir Julie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va bien. Dis-moi, Jean-Tiane, t'es allée faire un tour chez la CERT? Oui, en fait, je suis allée faire un tour chez la CERT aujourd'hui. Je croyais aller voir une exposition de Judith Bellavance. J'avais mal compris le communiqué de presse parce que la CERT présente la dernière production de Judith Bellavance à Montréal actuellement. Ah, c'est ça, hein, c'est oui. Un peu, là. Et oui. Donc, conseil chez la CERT, vous devriez mettre Québec ou Montréal en très, très gros caractères. Oui, donc je suis tombée sur une exposition collective. Donc, des artistes de la galerie qui sont présentés. Donc, on a 6 artistes, autant des artistes établis que des artistes le plus en début de carrière ou en mi-carrière. Donc, on a des Serge Lemoine, on a des Christian Gravel, des Francine Simonin, Alain Bondaire, Judith Bellavance et Marc Garneau. Donc, en entrant... D'entrée de jeu, on a sur le mur qui nous fait face un magnifique Serge Lemoine de sa série Bleu, Blanc, Rouge, qui l'a produit dans les années 70. Là, c'est sa série Bleu, Blanc, Rouge occupé, je pense, sa vie pendant une dizaine d'années. C'est devenu presque une obsession chez lui. Une série faite à partir des motifs du Canadien de Montréal, à partir des couleurs du Canadien de Montréal et des motifs donc de costumes, de masques qui se détachent sur un fond blanc, de glace. L'œuvre qu'on a devant nous en entrant, c'est une œuvre qui est quand même assez grande, à l'horizontale, un grand tableau rectangulaire qui est composé en fait de 6 petites toiles carrées et puis avec un fond blanc et 3 bandes qui part du haut et qui se dirige vers le bas, des bandes très très larges et qui arrêtent avant le bas, ouais. Donc des espèces de palettes si on veut, hein. Ça peut rappeler la palette de hockey. Donc c'est un type de motif qui est quand même assez récurrent. Il y a fait plusieurs tableaux qui se déclinent sur ces 3 bandes qui ne traversent pas la toile. Ouais. Des techniques tout en giclure, tout en coulisses, donc du Serge Lemoine, très très très expressif. Hein, très à la fois, c'est ça, très formel, géométrique, mais aussi très très expressif. Oui, très ancré dans la matière, dans la peinture matière. Donc, il y a beaucoup de jeux de transparence. Le bleu, il y a plus de jeux de texture, alors que les rouges sont plus uniformes. Donc, il y a des contrastes aussi qui se créent. Et puis, les contours des formes sont assez flous. Il y a comme le blanc et la couleur qui s'interpénètrent un peu l'un l'autre de par des éclaboussures, de par des coups de pinceau. Donc, c'est quand même assez ancré dans la peinture. Et puis, donc, un très beau Lemoine. Et puis, à droite, on a le petit coin à droite chez la CERT. Donc, il y a un Christian Gravel, il y a 2 Francine Simonin et 1 Alain Bondaire. Donc, le Christian Gravel qui se présente un peu comme une espèce de carte géographique. J'en parlais avec la dame qui travaillait là, puis je dis, est-ce que c'est une carte qui représente un territoire précis? Elle dit, oh non, Christian Gravel dit que c'est pas une carte. Donc, c'est vraiment plus un motif qui peut rappeler une carte géographique, qui peut rappeler peut-être aussi les contours d'une plaque de métal rouillée, hein, donc des motifs très irréguliers avec plein de petites irrégularités. Donc c'est un tableau qui est très très pâle, très très blanc. Donc cette espèce de territoire, je l'appelle un territoire là, donc va s'étendre sur presque l'entièreté de la toile avec une peinture très très très très lisse, une texture très très très lisse, et les contours sont faits d'un gris qui va être un petit peu estompé, donc un gris un peu estompé. Et puis il y a des rivières donc qui descendent vers le bas, donc la rive se trouve plus vers le haut, des rivières qui descendent vers le bas, des espèces de petits lacs. Les motifs peuvent aussi rappeler, si on veut, des éclaboussures. C'est des espèces d'éclaboussures un peu irrégulières qu'on retrouve juste à côté sur un Serge Lemoine par exemple. Donc il y a des espèces de pointillés irréguliers aussi. Et puis donc on a ce territoire là au premier plan, et puis il y a des plans qui se devinent derrière par transparence avec cette espèce, ces espèces de lacs, ces espèces de rivières qui, en dentelle, en ajourée, viennent faire deviner des plans derrière. Donc, il y a une espèce de forme orange fluo, mi-unie, mi-à poids, mi-picotée, qui revient dans certaines percées. Donc, et c'est assez fragmentaire, on peut pas deviner c'est quoi. Et puis aussi, il y a des formes géométriques, des espaces géométriques carrés, bien définis, faits de turquoise très, très clair, donc de teintes de turquoise très, très clair, avec des éléments géométriques noirs et blancs. Donc, qui viennent vraiment ponctuer l'image. Donc, on a une de ces compositions très épurées, très typiques de Christian Gravel. Donc, des compositions très épurées avec des éléments qu'on retrouve de part et d'autre, et puis un ensemble très très très pâle. Et puis à côté, à droite du Christian Gravel, on a deux Francine Simonin, donc une artiste quand même assez assez âgée qui produit depuis très longtemps, donc avec une démarche vraiment très très abstraite, beaucoup de motifs géométriques. Dans ces deux tableau carré, on a des teintes de noir, des teintes de blanc, de gris, de beige, de brun. Et puis, c'est une peinture très gestuelle avec les couleurs qui vont se mélanger directement sur la toile. Des touches épaisses, une peinture quand même assez liquide. Donc, il va y avoir des bulles, des bulles qui ont séché dans les motifs, donc des motifs qui vont se mélanger. Ça devient quand même assez confus, si on veut. C'est très très expressionniste abstrait là, comme et puis plus expressionniste abstrait, je dirais que sa production précédente, ça remplit vraiment la toile, et puis il y a vraiment beaucoup de mélange de couleurs, donc vraiment dans des teintes très similaires là, de gris, de beige, de brun. Et puis sur le mur, en fait le même mur que la porte d'entrée, on a un Alain Bondard. Donc c'est une grande toile d'un fond noir. Alain Bondard va souvent avoir des fonds noirs ou des fonds blancs. C'est sûr que il y a de la texture beaucoup là. C'est pas uniforme. Et puis à gauche, un chevreuil très très clair, avec son pelage qui est composé de tout petites touches là, c'est quasiment pointilliste là, des petites touches de petits traits bruns de pelage. Dans le contour, on a des mélanges de couleurs arc-en-ciel. À droite, on a un petit lion, une tête de lion, en fait, encerclée de fanion, d'un cercle de fanion arc-en-ciel. Donc, on a ce contraste entre le noir et des petites touches de couleurs arc-en-ciel qu'on retrouve souvent chez Bondard. Aussi des motifs récurrents comme les animaux sauvages, des petites maisons. On a une tête féminine aussi qui est ajoutée, qui a un voile de peinture noire par-dessus. Donc, là, je me dépêche parce que le temps file, puis il y a dans une exposition collective, c'est difficile parce qu'il y a tant d'œuvres. Ouais, effectivement, puis, tant d'univers à présenter. Tant d'univers, tant de démarches différentes à présenter, à ancrer, des œuvres à ancrer dans des démarches. Des Judith Bellavance, donc c'est la raison pour laquelle je m'étais présentée à la galerie cet après-midi. On a cinq Judith Bellavance, donc une production autour de 2010. En fait, tout ce qui est présenté dans la galerie, ça tourne pas mal autour de 2010, un petit peu avant, un petit peu après, excepté pour les Serge Lemoine, évidemment. Cinq œuvres, longue phrase, les voix inaudibles, réponse, la hauteur de l'autre et la particulière. Longue phrase, la première, un fond blanc avec une espèce de chaise bleue vaporeuse. Donc on retrouve ces éléments vaporeux de Judith Bellavance, des éléments qui flottent un peu aussi dans l'espace, puis on sent une épaisseur de la peinture. Donc c'est pas un fond qui est blanc. C'est un fond qui est composé de peinture blanche et d'autres couches de peinture qui l'ont précédé. Donc, une petite chaise qui flotte dans l'espace. Voix inaudibles, on a une toile divisée en deux à la verticale avec du gris à gauche et du blanc à droite, mais quand je parle de gris ou de blanc, c'est jamais uniforme. Puis on a une espèce de racine qui se regroupe à la tige à droite. Puis à droite, en fait, il y a une oreille. Donc on a vraiment des éléments poétiques comme ça, très évocateurs, qui nous laissent deviner une narrativité, mais qui nous laissent beaucoup beaucoup de liberté aussi. Ensuite, il y a réponse, donc un fond beige avec une espèce de boîte molle, un sac de papier, quelque chose de un motif géométrique quand même assez mou, un cordon ou un tube qui peut rappeler avec un embout en forme d'aspirateur. Donc on a des éléments comme ça très très évocateurs. Et la hauteur de l'autre, qui est l'autre pièce d'à côté, donc encore divisée en deux à la verticale. Donc il y a ces jeux de division sur lequel elle joue aussi beaucoup dans ses photographies, donc de division de l'image en deux avec des rappels de part et d'autre. donc vas-y, Jean-Tienne. Oui. J'allais dire en terminant, peut-être une dernière œuvre. Oui. Donc bon, il y a des marques Garneau, mais je pense que je vais terminer avec le Lemoine qui est comme tout au fond de la pièce. Donc un très beau Lemoine aussi qui est plutôt de sa série La Maison. Donc quand sa maison a été détruite, il a pris ses éléments architecturaux un peu éparpillés, tombés. Donc très différent, donc sur une toile sans apprêt qui va aller chercher des touches de beige qui vont rappeler le beige sur les deux simonos qui encadrent, si on veut, la peinture de Lemoine. Donc une structure architecturale, un peu plus de couleurs, puis on sent aussi la superposition des couleurs. Ouais. Donc sur la touche sans apprêt qui vient dessiner la structure, où on voit les traits de crayon qui dessinent la structure, on a ces plages de couleurs où on voit du blanc derrière lequel on devine du rose à cause de ses coulissures, à cause de ses éclaboussures, et puis même que les coulisses de blanc viennent suivre les coulisses de rose. On sait pas si c'est intentionnel ou mais il y a vraiment un jeu où la peinture se mélange et s'unit aussi. Ouais. Dans la superposition, et puis donc du blanc, du rouge, du noir évidemment, du bleu, dans le bleu en haut à droite, on a du vert derrière, du bleu plus pâle, donc on a vraiment ce jeu de superposition et des structures beaucoup beaucoup plus complexes que ce qu'on pouvait retrouver aussi là, des structures beaucoup plus géométriques. Ouais. De ce qu'on pouvait retrouver dans sa série bleu blanc rouge. À voir quand même, aller faire un petit tour chez la CERT, aller voir un échantillon des artistes qui sont présentés par la CERT. On a quand même, comme je disais, un équilibre au niveau des artistes émergents, des artistes établis. Il y a une certaine uniformité aussi dans le choix des œuvres. On a beaucoup de noir, de beige. Donc, quand même une belle exposition. Cohérente. Oui. Cohérente. Voilà. Jean-Tienne Lafrance, merci beaucoup. C'est présenté, je crois que ça se termine là à la fin de la semaine, quelque chose comme ça. Donc, on se dépêche à y aller avant la prochaine exposition. Mais merci, Jean-Tienne. On se revoit dans environ un mois. On fait une pause audio. On écoute Thelma Todd sur les ondes de CKRL. Vous avez probablement vu passer dernièrement sur les réseaux sociaux toutes sortes de concours, toutes sortes de un test en fait plus spécifiquement qui a été fait par le Musée national des beaux-arts disant lequel êtes-vous entre Pellan, Riopelle, Lemieux et Fernand le Duc. Ce test-là en fait m'a beaucoup marqué. J'ai trouvé que c'était une excellente stratégie de publicité pour annoncer justement 4 nouvelles expositions qui sont présentées au pavillon Charles Baillarger du Musée national des beaux-arts du Québec. Pour nous en parler, sa directrice générale, Lynn Ouellette, bonsoir. Bonsoir. 4 nouvelles expositions comme ça qui commencent en même temps, c'est pas rien, hein? En effet, c'est un redéploiement majeur autour de 4 figures importantes de la modernité au Québec, donc Lemieux, Pellan, Le Duc et Riopelle. Et nous le faisons à l'occasion finalement du redéploiement complet dans le pavillon Baillarger, qui est cette magnifique prison conçue par Charles Baillarger et qui a été entièrement restaurée pour l'occasion. Alors, c'est un tout nouveau pavillon hein, que vous allez découvrir avec un très beau café dans le très bel espace au centre qui est lumineux avec l'arbre de la rue du Rocher. Donc, c'est un lieu à redécouvrir, venir prendre un bon petit café tout en allant visiter ces 4 formidables expositions et vous poser la question, comme vous le disiez en début d'entrevue, qui êtes-vous? Lemieux, Pellan, Le Duc ou Riopelle? Je trouve ça intéressant de se poser cette question-là parce que en regardant les expositions, en visitant, je suis allée aujourd'hui, je me disais, on a 2 artistes de la lenteur puis 2 artistes de la fougue. Il semblait Pellan et Riopelle, donc qui étaient toujours dans cette espèce de création de tout instant. Lemieux, Le Duc, qui semblait vraiment dans cette tranquillité, dans cette idée de prendre leur temps, dans des espaces vraiment, pas des espaces, mais des démarches moins fougueuses, voilà. Oui, c'est une belle lecture. En même temps que je n'ai pas connu personnellement Lemieux, mais j'ai connu suffisamment M. Le Duc pour vous dire qu'il avait quand même un rapport assez fougueux à sa peinture. Ouais. Et lui-même était quelqu'un de très déterminé, très engagé. Bon, c'est sûr que M. Le Duc a vieilli, donc dans les dernières années, on n'avait peut-être pas cette impression-là. Mais si vous pensez au Duc du refus global, ouais, je vais vous dire, c'était un homme qui avait toute une énergie, une vivacité, un sens de la réplique, une vibration de contestation, de révolte, de liberté qui était incroyable. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui appartenait aussi à Riopelle et à Le Duc en commun. Et Pellan à sa manière aussi, mais plus d'une façon, je dirais, ludique, intuitive, alors que Le Duc, c'est vraiment l'intellectuel du groupe, là. Et vous parlez, tant qu'à parler de Le Duc, on en a parlé, je crois, il y a environ un mois ici à l'émission, mais quand même, on avait parlé d'évolution de la manière de Le Duc et tout ça, mais là, vous avez vraiment fait une exposition assez chronologique là, qui nous permet vraiment de la voir, cette transformation-là. C'est comme si on la voyait venir même. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est la beauté des salles, quand on fait des salles qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire dédiées à un artiste, c'est qu'on est capable de voir la construction de leur langage. Hein, et à quel moment ce langage évolue avec ses points tournants. Et ça, c'est très beau dans le cas de Le Duc, puisqu'il y a 3 grandes contributions. Hein, Le Duc, donc d'abord à la révolution automatiste, hein, avec cette grande gestuelle, donc c'est vraiment déjà dans l'abstraction. Et ensuite, la révolution plasticienne, où on est dans une dimension beaucoup plus géométrique, des rapports fond-forme. Cette révolution des monochromes, qu'il appelle des microchromies, où on est réellement dans un apaisement de la couleur et vraiment un travail de la lumière. Hein. Alors, M. Le Duc se disait un paysagiste de lumière. Donc, il a fait ça, d'ailleurs, dans les 40 dernières années de sa vie. Alors ça, on a un très, très beau parcours dans le cas de Le Duc, mais c'est le cas de l'ensemble de ses artistes, donc Lemieux, Pellan et Riopelle aussi. Riopelle, on le voit très bien quand même, hein, tu sais, vous avez nommé l'exposition Métamorphose, on le voit vraiment parce que Riopelle, souvent les gens vont s'imaginer, donc c'est ces grandes œuvres des années 50, absolument, on peut imaginer bon, sa sculpture par exemple avec les animaux et tout ça, mais Riopelle c'est beaucoup plus, là, même dans l'exposition on voit des œuvres qui contiennent un certain langage qu'on avait beaucoup moins vu auparavant. Absolument, parce que en effet, Riopelle a évolué après les pavés, le travail à la spatule, et donc on a son travail en sculpture. On a beaucoup aussi sorti des œuvres sur papier, et ce très grand collage exceptionnel fait avec des chutes d'estampes, et donc ce sont des œuvres qu'on voit assez rarement. Et là, on leur a fait presque une petite chapelle pour les voir, donc c'est une occasion extraordinaire. Et on a sorti aussi dans l'atrium du pavillon Baillargé l'immense bestiaire qui nous a été donné par sa fille Iseut et Sylvie. Là, ça, il faut voir ça absolument, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas supporter longtemps la lumière. Donc, ce sera retiré dans quelques semaines. Donc, il faut absolument venir au musée, courir voir ça. Oui, c'est juste qu'au 15 avril, hein, je crois. Exactement. Et parlant d'œuvres qui seront retirées, donc il y a des œuvres qui seront présentes un peu moins longtemps que d'autres. Moi, je pense à des œuvres, bon, on les connaît sans les connaître, de Pélan, Canada Est et Canada Ouest, entre autres. Ben, écoutez, en effet, parce que c'est la première fois qu'elles viennent au Québec, hein, elles ont été un petit peu mis de l'avant lorsque on les a retirées du hall du ministère des Affaires extérieures, et vraiment très généreusement, le ministère des Affaires extérieures accepte de nous les prêter pour cette très courte période, donc jusqu'à juin. Et ce sont des fresques qui n'ont jamais été présentées au Québec et qui avaient été originalement faites pour l'ambassade du Brésil. Alors commandées par Jean Desi, qui était à ce moment-là justement le représentant du Canada au Brésil et un grand amateur d'art, un connaisseur de Pélan. Et c'est lui d'ailleurs qui avait commandé la même œuvre que certains ont vu, qui était sujet d'ambassade, où on pouvait voir des pigments faits fluorescent qui réagissait à la lumière ultraviolet. Ouais. Et on l'avait présenté, et tous les mercredis soirs dans le grand atelier de Pélan l'été passé, on voyait la version de nuit de cette œuvre-là. Donc c'est le même commanditaire qui a donné cette commande de grandes fresques Canada Est et Canada Ouest à Alfred Pélan, qui sont visibles donc pour une durée très limitée ici même à Québec, pour la première fois au Québec depuis leur création. J'ai envie, justement, vous avez parlé du grand atelier qui a été présenté l'été passé. J'imagine quand même il y a une difficulté à présenter deux expositions d'un même artiste aussi rapproché. Hein. Est-ce que comment vous avez abordé cette situation-là? Bien là, vous l'avez compris, dans le cas du Pélan que nous présentons actuellement, c'est une introduction au Pélan surréaliste. Hein. Donc, vraiment, c'est, je dirais, autant nous présentions le Pélan qui était, dans l'atelier, dans son univers personnel. Hein. C'était vraiment l'aspect plus personnel de Pélan qu'on a présenté dans le grand atelier. Là, on a réellement le cheminement de l'artiste en termes de langage plastique et son influence, l'influence très importante du surréalisme et la façon dont il l'a, je dirais, remanié et ressenti dans son œuvre. Et vous allez quand même retrouver certains éléments qui étaient dans le grand atelier, et d'autres éléments qui étaient ailleurs dans le musée qui sont maintenant regroupés à cet endroit, entre autres le mini-bestiaire qui fait le bonheur de beaucoup d'enfants qui viennent au musée dans le cadre des groupes scolaires. Oui, alors, j'y suis allée aujourd'hui. Il y avait deux groupes d'enfants dans la salle de Pélan. C'était très mignon à voir. Peut-être en terminant, on n'a pas beaucoup parlé de Lemieux. Il me semble qu'il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait eu une exposition sur Jean-Paul Lemieux dans ce pavillon-là. Là, maintenant, vous en faites vraiment comme une nouvelle version, là, on représente autrement Jean-Paul Lemieux. Totalement. Alors, et avec aussi, encore une fois, des œuvres exceptionnelles à voir sans faute, outre, bien sûr, les chefs-d'œuvre du musée, La Fête Dieu, Les Ursulines. Il faut absolument venir voir pour 1910 Remembered. Ouais. Probablement, si je vous dis ce nom-là, ça vous dit rien, mais quand vous allez voir l'image, c'est l'œuvre qui ouvre la salle. Je dis l'image parce que les gens la connaissent surtout en image. Ils connaissent très peu l'œuvre parce que c'est une œuvre qui est dans un salon privé. Donc, ça vous donne une idée comment il est inaccessible. Et donc, le prêteur a été très généreux et l'œuvre sera présente chez nous jusqu'au mois de juin. Et la même chose pour Julie et l'univers qui est aussi une œuvre iconique de Lemieux à voir sans faute d'ici le mois de juin. Et ce qui est intéressant aussi avec le mieux, bon, on le voit aussi avec les autres, mais c'est les diverses évolutions de son langage, la représentation humaine seule dans le paysage, mais aussi des paysages qui frôlent avec l'abstraction. Oui. En effet, dans le cas de Lemieux, on voit vraiment le travail de simplification qui a lieu. Donc, Lemieux travaille un peu comme un régionaliste, tout d'abord paysagiste. Ensuite, il va avoir une influence il va passer d'une certaine façon en se débarrassant un peu de tout ce savoir académique et être très influencé par la peinture naïve. L'image un peu iconique que vous avez de ça, c'est la fête Dieu, qui est cette fameuse procession qui est à Québec, à travers la côte de la montagne. Je suis certaine que c'est une image que beaucoup de gens connaissent. Ensuite, il va peu à peu venir à un espace extrêmement dépouillé, très architecturé. Et ce qui est très, très intéressant, nous avons le tableau Les Ursulines au musée et nous avons acquis la petite esquisse qui accompagne les Ursulines. Et si vous comparez l'esquisse avec le tableau final, vous allez pouvoir voir à quel point Lemieux, à ce moment-là, précis en 1951, retire des éléments de cette esquisse pour arriver à ce style extrêmement dépouillé qui fait la facture iconique du travail de Lemieux. Alors, ça, c'est formidable et c'est ce que nous permet de faire des collections comme celle du Musée national des Beaux-Arts et c'est ce que vous pouvez voir dans l'exposition Lemieux. Voilà. Ben, Lynn Ouellette, directrice générale du Musée national des Beaux-Arts du Québec, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc, les quatre expositions, Alfred Pellan, Le rêveur éveillé, Jean-Paul Riopel, Métamorphose, Jean-Paul Lemieux, De silence et d'espace et Fernand Leduc, Peintre de lumière, sont présentées dans le tout nouveau pavillon Charles Baillarger. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission. Je remercie mes chroniqueurs, je remercie, bien entendu, mes invités. Je vous invite à consulter le site laérospatiale.wordpress.com et je vous laisse avec Gilles Chaumel et son folk d'Amérique. Bonne soirée à tous.